și vede o tapa și vede ea mare. Eze. Eze. Jamais invisible, même dans les fantômes. Oh toi, chez toi, les keufs mettent des bandes jaunes. Banlieue ouest, grande zone. Chaque phrase commence par wesh. B2O, j'suis dans les grandes eaux. Vente de tuer, j'commence par yes. Eze. La moitié, la voix, c'est bien. Minimum 5 chiffres, si j'viens. Tous mes vœux de malheur qui vient. C'est le stade du tiers car j'suis la Ligue 1. C'est la BO du parrain. Arme chimique dans leur grand-mère. On va les aider au sarin. Ton papin c'est le sapin. Sois rouge comme le dessous de ses escarpins. Bienvenue chez 9 de E. Réunion Scarla. Un million passé. Un million par là. Leur carrière, leur classique. Dans deux ans on en reparlera. J'vais tous les mettre en ce mécoala. Et on en restera là. Tu veux du sale, zère, mets-toi là-haut. Car misère, me voilà. Flot du Niger, de toi là. J't'encule sur conseil de Yahya. Tu veux du sale, zère, mets-toi là-haut. Car misère, me voilà. Flot du Niger, de toi là. J't'encule sur conseil de Yahya. Aisé, aisé. La moitié là-bas c'est bien. Minimum 5 chiffres, si j'viens. Tous mes vœux de malheur qui vient. C'est le stade du tiers car j'suis la Ligue 1. C'est la BO du parrain. Arme chimique dans leur grand-mère. On va les aider au sarin. Ton papin c'est le sapin. Sois rouge comme le dessous de ses escarpins. Pierre et t'as dans la bouche, tu vas me remettre. Il n'y a que Brava que je regrette. J'braque pas les schnecks, j'erque les recettes. Si je lui passe la bague au doigt, elle est refaite. La française, le bête en brochette. Le sang c'est haram, n'y mélange pas l'islam et son prophète. Non, non, non, retire le roquette. Miami Vice, Cop Johnson, Sonny Croquet. Lunettes noires, chino, un cœur père de cortège. Négro armé comme au Tchad, dans tout le cortège. Comme dirait le Dieu, t'es plein de foutaises. J'ai Dieu double usé qui me protège. Mon concert y était, c'est le cortège.